Pendant près de 10 ans, il nous aura fait rêver à des mondes lointains, inconnus, de plus en plus similaires, remarquez, à notre bonne vieille Terre. Mais depuis la fin du mois dernier, eh bien c'est fini, le télescope spatial Kepler est tombé à court de carburant et sa mission s'est achevée. Mais quelle mission ? Plus de 2600 exoplanètes détectées, des systèmes solaires entiers, souvent très différents d'une autre, parfois un peu plus proches, et surtout une cartographie de l'immense diversité des exoplanètes, des Jupiter chaudes aux super-terres, des gazeuses aux telluriques. C'est l'histoire de ce télescope que nous allons vous raconter et de ceux qui prennent la suite de son exploration. Kepler, les planètes changent de lunettes, c'est le problème lointain qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette aventure d'exploration spatiale et de cette collection d'exoplanètes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Roger Ferlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS émérite en astrophysique à l'Institut d'astrophysique de Paris à Sorbonne Université, vice-président de la Société astronomique de France. Et bonjour Pierre Drossard. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris, à Sorbonne Université, à l'Université Paris Diderot. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast via votre application favorite et surtout en complément comme chaque jour via notre fil Twitter @laméthodefc où nous posterons un certain nombre d'images, d'articles, de liens pour compléter l'écoute de cette émission. Alors, eh bien, le 7 mars 2009, après plus de 25 années de développement, après plus de 600 millions de dollars d'investissement, le télescope Kepler est lancé de la base de Cap Canaveral en Floride à bord d'un lanceur Delta 2, souvenez-vous. 22 seconds. We have a green board here in the Mission Director Center. T-minus 15 seconds. 13 seconds. Green board. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, engine start, 1, 0, and liftoff of the Delta II rocket with Kepler. Il y a un intérêt pour les astronomes qui essayent à travers cette zoologie des exoplanètes de comprendre la formation des systèmes solaires, l'évolution des étoiles et l'évolution de la galaxie. Donc, ce sont des choses qui nous concernent à très long terme, certes, mais qui font partie de la connaissance. La deuxième, c'est essayer de trouver s'il y a des endroits où il aurait pu y avoir de la vie sur une autre planète. Voilà l'archive du lancement de Kepler commentée ici par Michel Vizeau. Il faut peut-être rappeler que c'est une longue histoire, le développement de Kepler, Roger Ferlet. Ah ben oui, parce que Kepler, ça a été lancé en 2009, mais on recherchait des planètes extrasolaires depuis bien plus longtemps. Vous vous rappelez que la première, elle a été découverte autour d'une étoile du genre Soleil en 1995. C'était 51 Pegasus B. C'est 51 Pegasus par deux astronomes suisses qui observaient à l'Observatoire de Haute-Provence en France. C'est ça. Mais le développement en lui-même de ce projet, il faut dire que ça, il a fallu du temps peut-être. Alors ensuite, tous les projets spatiaux sont évidemment des projets au long cours, on le sait bien, on en parle suffisamment longtemps ici, mais peut-être qu'il a fallu du temps pour convaincre de l'utilité, de l'importance et surtout de la faisabilité de ce télescope à la recherche de ces planètes extrascolaires et scolaires. Extrasolaire, Pierre Drossard. Solaire, oui. L'idée était effectivement depuis longtemps dans les tablettes des agences spatiales. La première réalisation, il faut quand même le souligner, a été par l'agence spatiale française, le CNES, avec la mission Corot, qui a été un précurseur de Kepler, et avec une idée à l'origine d'Annie Begla, une grande astronome française. L'idée, donc, est de voir passer les planètes devant le disque de l'étoile, et par un simple passage devant l'étoile et la baisse de luminosité qui s'ensuit, détecter et mesurer quelques paramètres des exoplanètes. Mais les gens ont mis longtemps à être convaincus que non pas que c'était faisable, bien sûr, on voit bien que c'est faisable, mais de voir que c'était possible à une échelle suffisante pour avoir assez de détection. Et pendant longtemps, les agences n'étaient pas convaincues que c'était réellement praticable. Et il faut dire que on a longtemps, hein, vous l'avez rappelé, Roger Vallet, essayé, puis on a découvert quelques-unes de ces exoplanètes depuis la Terre. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de détecter des exoplanètes, des planètes extrasolaires depuis la Terre, et pourquoi est-ce qu'il fallait vraiment un télescope spatial comme Corot ou comme Kepler dont on va parler? Ce qu'on aimerait faire, évidemment, c'est l'image d'une planète à côté de son étoile. Mais ça, c'est extrêmement difficile pour deux raisons. La première, c'est que la planète est beaucoup trop faible par rapport à la luminosité de l'étoile. C'est un facteur 1 milliard ou 10 milliards. Et la deuxième raison, c'est que donc quand on fait l'image d'une planète, on fait en réalité l'image d'une étoile. Et la deuxième raison, c'est que la séparation angulaire, c'est-à-dire la distance entre la planète et son étoile, est très petite vue de la Terre. Et donc c'est extrêmement difficile d'avoir des instruments suffisamment précis pour faire cette photographie. Donc on a utilisé d'autres méthodes, des méthodes indirectes. Alors, une des méthodes évidentes qui est d'ailleurs, l'idée remonte, je crois qu'il y a même un article de 1938 qui décrit déjà comment on pourrait détecter des planètes par le transit. Ce que vient de décrire Pierre Rossard, par le passage. Oui. Donc, quand la planète passe devant son étoile vue de la Terre. Une autre méthode, c'est, on dit toujours, il y a une étoile, une planète tourne autour d'une étoile. Mais en réalité, c'est la planète et l'étoile, les deux tournent autour du centre de gravité du système. La planète est invisible. Ce qu'on va essayer de détecter, c'est le petit mouvement périodique de l'étoile autour du centre de gravité du système. Alors, il y a plusieurs méthodes pour détecter ça. Il y a une méthode qu'on appelle l'astrométrie, qu'on mesure sur le plan du ciel. Et une autre méthode qui a été très fructueuse, c'est ce qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. Donc là, il faut utiliser de la spectroscopie et non pas de la photométrie. On va revenir sur ces méthodes dans quelques minutes. J'aimerais vous confirmer cette idée selon laquelle, pendant longtemps, il a fallu du temps avant que les agences, qu'elles soient américaines ou européennes, soient convaincues de l'intérêt de ces missions, de ces télescopes qui sont des grosses missions, hein. Si Kepler à l'origine ça faisait partie du programme Discovery qui était plutôt un programme à bas coût, mais qu'il a fallu du temps en tout cas pour convaincre les esprits que on y arriverait, que l'enjeu en valait la chandelle. Je pense que depuis 1995, tout le monde est persuadé qu'on va y arriver. Alors évidemment, envoyer des satellites, ça coûte cher. Mais l'exemple de Corot, si je parle sous ton contrôle, l'exemple de Corot au départ, c'était pas une mission pour détecter des planètes extrasolaires, c'était pour faire de la physique stellaire des étoiles. Mais pour des problèmes financiers et autres, il y a eu une reconfiguration de la mission et une partie de Corot a été dédiée à la détection de transits exoplanétaires, parce que Corot était capable de faire de la photométrie à haute précision. Ça prouve bien qu'il faut du temps, mais ça se fait. Alors Corot, le précurseur, entre guillemets, de Kepler, est lancé 3 ans avant, en 2006. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot, Pierre Drossard, parce que effectivement, c'est pour le coup un succès de l'agence européenne avant la NASA. Alors, pas avec les mêmes moyens de l'agence française, pardon. Du CNES, de l'agence française, ça peut être précisé. C'était effectivement, comme Roger Ferlet l'a rappelé, au départ une mission de ce qu'on appelle l'astérosismologie, c'est-à-dire la mesure des fluctuations de l'étoile dues à ses mouvements interne, mais il se trouve qu'on est aussi sensible au passage des planètes devant le disque, qui modifient également leur luminosité, et par conséquent, il a été prédit que Corot serait capable de détecter des exoplanètes. Et ça a d'ailleurs été certainement un bonus pour que la mission soit sélectionnée et lancée. Elle a pris beaucoup de retard. C'est un peu dommage parce que du coup, elle est arrivée peu de temps avant Kepler, qui a, lui, moissonné beaucoup plus de planètes. Mais Corot a quand même été le précurseur. Et il a permis aussi parce que la méthode est très élémentaire. Hein. On l'a dit, il suffit de mesurer la différence de luminosité de l'étoile avant le passage et pendant le passage. Mais ces fluctuations sont quand même très faibles. Hein. Pour une planète même géante, c'est au mieux un millier de différence. Donc il y a 1 pour 1000 de fluctuations, et c'est vraiment dans les cas les plus favorables. C'est bien souvent 1 pour 10 000, voire beaucoup moins. Et pour mesurer de manière précise ces choses-là, le faire du sol, c'est compliqué, et c'est pour ça qu'il faut aller dans l'espace où on a beaucoup plus de stabilité. Mais quand on dit c'est des missions à bas coût, il faut quand même savoir que le bas coût, c'est 600 millions de dollars ou 400 millions de dollars au niveau européen. Et donc, ce sont des sommes importantes qui demandent évidemment réflexion, évaluation et tout un circuit de décision. Et quand j'évoquais la mission à Bakou, c'était le programme de Kepler sur lequel on reviendra peut-être. Un mot tout de même sur Corot, parce que Corot arrive à des résultats tout à fait satisfaisants. Et c'est un peu, comme vient de le dire, pour reprendre la terminologie de Pierre Drossard, le premier moissonneur de planètes extrasolaires. Oui, Corot a détecté, découvert plusieurs dizaines de planètes extrasolaires. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les statistiques à partir des données de Corot sont pas complètement en accord avec celles du satellite Kepler. Mais bon, c'est un autre problème technique, ça. C'est-à-dire? Sur les statistiques des planètes de telle ou telle masse. Alors, je sais pas dans quel sens ça va, mais je sais qu'il y a un petit désaccord. Bon. Néanmoins, sur Corot, vous dites a détecté des dizaines de planètes extrasolaires, et avec une qualité très bonne, qui a permis donc. Alors, quand on mesure la diminution de luminosité de l'étoile quand la planète passe devant, on peut en tirer des tas d'informations intéressantes. Évidemment, la première à laquelle on pense, c'est la taille de la planète par rapport à la taille de l'étoile. Et si on connaît la taille de l'étoile, on en déduit la taille de la planète. Mais il y a d'autres informations possibles. L'orbite, évidemment, puisqu'on a la période, donc on a l'orbite. L'inclinaison de l'orbite. Et si on a des mesures extrêmement précises, on peut aller beaucoup plus loin, y compris détecter des anneaux ou des lunes. Ça n'a pas encore été fait définitivement, mais c'est possible avec des instruments extrêmement précis, quoi. Quel type d'exoplanètes a pu détecter Corot, plutôt des très grosses planètes? Oui, puisqu'on était effectivement dans les premières expériences avec des sensibilités de détecteurs optimisées pour l'époque, mais encore moins performantes que ce qu'on sait faire aujourd'hui, on était limité. D'une part, il y a deux biais de limitation. L'une, c'est la taille, comme on l'a déjà dit, évidemment. C'est assez évident que plus la planète est grosse, plus on aura un signal détectable. Donc on est plutôt limité aux géantes ou aux planètes, disons, on va dire, autour de la taille de Neptune. On parle de sub-Neptune ou de super-Terre, sans savoir encore bien, très bien ce que c'est, mais ça donne une idée pour les gens qui connaissent le système solaire. Donc en taille déjà, mais également en période, puisque pour vraiment confirmer un transit, il ne faut pas se contenter d'un seul passage, parce que ça pourrait être simplement un sursaut de l'étoile ou autre chose. Donc il faut l'observer plusieurs fois. Et donc s'il faut attendre 3 ans pour réobserver le passage, évidemment, on est un petit peu gêné. Donc on ne voit que les périodes relativement courtes, et donc les planètes proches de leur étoile. Donc il y a ces deux biais systématiques, plutôt planètes grosses et planètes proches, qui ne sont très probablement pas les moyennes statistiques des exoplanètes. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons de la mission Kepler qui s'était achevée il y a quelques semaines de cela. Nous en parlons tout au long de cette heure avec Roger Ferlet et avec Pierre Drossard. Peut-être qu'on peut préciser la mission exacte, Pierre Ferlet, de Kepler au départ. Quel est le cahier des charges, entre guillemets? Que doit observer Kepler? Dans quelle zone de l'espace? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Donc Kepler, le premier but de Kepler, c'était de détecter des planètes extrasolaires. Mais alors, la méthode utilisée par Kepler, c'était de surveiller de l'ordre de 155 000 étoiles dans une petite région du ciel, peut-être 0,3% du ciel. 0,28. Donc 155 000 étoiles, mais de les surveiller pendant longtemps, c'est-à-dire plusieurs années, 3 ou 4 ans. Donc ça permettait d'aller chercher des périodes plus longues, donc des planètes qui sont plus loin de leur étoile, et de surveiller pendant très longtemps, ça permettait aussi d'avoir beaucoup de transits, plusieurs transits de la même planète, et donc d'augmenter la qualité du signal. Et du coup, une fois qu'on... Il faut peut-être aussi rappeler l'orbite de Kepler, parce que ça aussi c'est important. On a dit c'est une toute petite zone de l'espace, alors je crois que c'est dans la constellation du Cygne et de la Lyre, si je parle sous votre contrôle évidemment. Mais pour étudier cette zone de l'espace, on ne met pas Kepler en orbite terrestre par exemple, Pierre Drossard. Non, un des soucis pour les télescopes spatiaux en général, et Kepler en particulier, c'est l'obscuration que peut produire la Terre quand on est en orbite basse. C'était un des problèmes système de Corot, justement, qui était une plus petite mission, ou bien entendu le Soleil, qu'il faut absolument éviter. Et donc, on a de ce fait des zones du ciel qu'on peut observer à un instant donné. Et l'orbite retenue pour Kepler était une orbite autour du Soleil, en orbite, donc en suivant l'orbite de la Terre. Et du coup, sans obscuration par la Terre et avec la possibilité d'observer pendant de longues, très longues périodes une zone du ciel sans aucune gêne des corps principaux du système solaire. Donc ça, c'était l'avantage de Kepler par rapport à la mission précédente et qui a fait aussi son grand succès. Quel est l'appareillage exact, justement, en termes de définition, de résolution? Je crois qu'à l'époque, au lancement de Kepler, donc en 2009, c'est le plus grand miroir spatial qui n'ait jamais été construit. Et c'est un vrai tour de force technologique, Pierre Ferlet. Roger Ferlet. Oui, c'était un télescope, un miroir de presque un mètre de diamètre. Donc c'était un des plus gros à l'époque. Le télescope spatial Hubble, c'est 2,70 m. Un mètre de diamètre, et surtout, c'était le capteur qui enregistrait les photons. C'était un détecteur CCD, mais c'était une quarantaine de caméras CCD les unes à côté des autres, qui faisait qu'il y avait 95 millions de pixels. Ça n'avait jamais été fait non plus dans l'espace. Donc voilà, alors la précision obtenue, je sais pas les chiffres exactement, mais enfin ils étaient capables, le Kepler était capable de détecter une planète de l'ordre de la taille de la Terre sur des étoiles relativement brillantes. Relativement brillantes, c'est pas ça veut pas dire des étoiles qu'on voit à l'œil nu, mais c'est pas non plus des étoiles qui sont à l'autre bout de l'univers, quoi. Pour la précision, je peux préciser, là j'avais les chiffres. Sur la sensibilité, ils atteignaient in fine à peu près 30 parties par million, ce qui veut dire 30 millionièmes du flux de l'étoile comme fluctuation après les statistiques. Mais ça, ça donne quand même une idée de la précision photométrique, sachant que en photométrie, aller même au-delà du pourcent pour un astronome au sol est déjà pas toujours facile. Donc explique qu'il fallait aller dans l'espace pour atteindre ces précisions-là. Et même comme ça, c'était un vrai challenge d'arriver à ces précisions. Oui, parce que les spécifications au départ n'ont pas vraiment été tenues. Ils avaient sous-estimé tous les bruits possibles, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Une question, pourquoi avoir choisi ces deux constellations, le Cygne et la Lyre particulièrement? Est-ce qu'il y a une raison à ça, Pierre Drossard? Alors, il y a, bon, a priori, on peut voir dans la galaxie, hein, puisque ce sont des étoiles relativement proches, des étoiles à peu près dans toutes les directions. Il fallait éviter les régions du ciel où il y avait des étoiles trop brillantes qui auraient saturé le détecteur. Et aussi, donc, ils ont choisi des zones qui ne soient pas dans le plan de la galaxie où il y a un peu trop de luminosité de fond de ciel, qui auraient aussi pu gêner les observations. Mais après, le choix lui-même a une part simplement de... Il y avait beaucoup d'autres possibilités. On peut préciser que ce sont deux constellations qui sont dans le même bras de la galaxie que nous, qui sont dans le bras d'Orion, donc à une distance raisonnable. Voilà, un peu au-dessus du disque galactique, pour avoir quand même assez d'étoiles, mais pas trop proche non plus du disque galactique. Pour pas. De toute façon, au niveau de la Voie lactée, c'est quand même des étoiles très proches de nous. Est-ce que une question tout de même aussi sur cette méthode des transits que vous avez bien expliquée. Corot est équipé, vous dites, pour pouvoir détecter des planètes de la taille de la Terre. Mais là, Corot, on est... je ne suis pas sûr. Corot, pardon, non, Kepler, décidément. Kepler. J'ai du mal aujourd'hui un peu avec les noms. Kepler, donc, est équipé, excusez-moi, est équipé pour détecter des planètes de la taille de la Terre, la variation de luminosité. On va vous retrouver un graphique qu'on va mettre sur le fil Twitter de l'émission. On est effectivement de l'ordre du millionième de variation de la luminosité de l'étoile. C'est une vraie prouesse technique, en l'occurrence. Ah bah oui, comme il l'a expliqué tout à l'heure, tu peux le redire. C'est assez facile à comprendre. Hein. Si on fait le rapport des diamètres de la Terre et du Soleil, on a à peu près un facteur 100, hein, en grosso modo. Et donc, comme on a une surface, c'est un facteur 100 au carré, donc 10 000, c'est des choses faciles à comprendre. Donc il faut au moins le 10 millième. Mais comme il faut le détecter avec une certaine précision, il faut au moins trois fois mieux. Donc c'est pour ça qu'on arrive à quelques dizaines de parties par million pour la précision photométrique nécessaire. nécessaire. Et ça, c'est difficile. Cela dit, Kepler a réussi ce challenge, puisqu'il a détecté, c'est pas la majorité, mais c'est quand même une partie de ces, des planètes détectées par Kepler sont des planètes de la taille de la Terre, et même un petit peu moins pour certaines. Alors justement, quels sont les premiers résultats que Kepler nous envoie? Les premiers résultats, ce sont pas juste, ça reste toujours plutôt des planètes imposantes, justement compte tenu de la taille, Pierre Drossard. Alors, oui, enfin, comme on l'a dit déjà, il y a plus de 2600 planètes détectées in fine par la mission Kepler, dans ces deux phases de mission. Un point à préciser, c'est que quand Kepler voit une variation de luminosité, et qu'il la voit se répéter plusieurs fois, donc il y a un soupçon très fort de la présence d'une planète, il doit toujours y avoir ce qu'on appelle la confirmation qui se faisait par des observations au sol en général, par la méthode qui a été évoquée tout au début sur les vitesses radiales, c'est-à-dire le mouvement de l'étoile par rapport à son centre de gravité. Et donc ce sont ces deux méthodes combinées qui permettent d'avoir en même temps le rayon de la planète et la masse de la planète. Et ça, c'est très important quand on veut commencer à caractériser un petit peu les exoplanètes. Donc, il faut bien avoir cette chose en vue pour comprendre l'apport de Kepler, qui a été très une mission soutenue par des observations au sol de grande ampleur sur différents télescopes autour du monde. Donc, c'est en combinant les deux qu'on arrive à ce catalogue aujourd'hui d'exoplanètes confirmées, dont on connaît les périodes orbitales, les masses et rayons. Et à partir de là, on peut en déduire, en connaissant la luminosité de l'étoile, les températures probables. Probable est un mot à ne pas oublier, parce qu'effectivement, tout cela est après. Tout ce qu'on induit sur la connaissance de ces exoplanètes, ce sont des inférences à partir de modèles théoriques. Ce ne sont pas des observations directes. Et donc, on en est là aujourd'hui, parce que c'est très difficile d'étudier les exoplanètes. Hein, finalement, on sait encore peu de choses sur ces objets, sauf qu'elles existent, ce qui est déjà beaucoup. C'est pas mal, oui. Roger Verlet. Donc, je voulais juste dire que quand on observe un transit et qu'on est sûr qu'on a vu un transit, c'est-à-dire qu'il se répète périodiquement, on n'est quand même pas sûr que c'est dû à une planète. Il y a ce qu'on appelle les faux positifs. Il y a plein de choses qui pourraient mimer un transit qui n'est pas dû à une planète. C'est pour ça qu'il faut utiliser l'autre méthode. Pour être sûr d'avoir vu une planète, il faut mesurer la masse. Et la masse, ça se mesure avec la méthode des vitesses radiales, qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, s'il faut beaucoup de photons, et ça se fait au sol. Il y a plusieurs télescopes qui sont dédiés à ça. Mais effectivement, une fois qu'on a la masse et la taille, on peut en déduire immédiatement la densité. Et ça donne des informations sur la planète, son intérieur, etc. C'était la question suivante. Comment est-ce qu'on peut justement discriminer aujourd'hui, et grâce à quels moyens peut-on discriminer le fait qu'il s'agisse d'une planète ou gazeuse ou tellurique? Est-ce que la taille est suffisante, ou est-ce que précisément il faut compléter cette taille? Vous en avez répondu partiellement, Roger Fermé. Je vous laissais compléter encore un petit peu ces informations. Si c'est une géante gazeuse comme Jupiter, par exemple, bien sa densité, c'est inférieur à 1, ça flotte sur l'eau. Et donc, si on est capable de mesurer la densité, ben, on peut savoir si c'est gazeux, si c'est solide. Alors, on peut pas aller beaucoup plus loin. Après, on peut utiliser des modèles théoriques pour aller plus loin, mais observationnellement, ça s'arrête là. Alors, si on a des mesures très précises de transit, on peut aussi déduire la présence d'une atmosphère possible. On peut pas dire ce qu'il y a dedans, mais on peut déduire sa présence. Qu'est-ce que Kepler a découvert en fait au début? Parce que quand on a commencé à observer les premières exoplanètes, il y avait quand même un doute qui subsistait de savoir si notre système solaire à nous, celui qu'on connaît, celui que on a observé, était un système solaire finalement relativement répandu, ou si c'était un système solaire relativement atypique. Et je crois que les premières observations laissent à penser qu'on est plutôt nous ici dans un système solaire atypique par rapport à ce que revient des observations de Corot dans un premier temps, puis de Kepler dans un deuxième. Alors oui, on parle essentiellement ici de Corot-Kepler, mais il y a, comme Roger Fermé l'a rappelé, des observations au sol, des observations d'autres aussi, télescopes et d'autres techniques, mais on peut pas non plus tout détailler en une heure. Mais disons qu'il y a tout un corpus aujourd'hui d'observations, difficiles à chaque fois, il faut le rappeler, c'est pour ça qu'on avance lentement, mais qui permettent de progresser, et donc et des modèles également qui permettent aussi de savoir un peu l'étendue du possible. On peut pas attendre des planètes non plus dans n'importe quelle gamme de masse, de densité, etc. Donc les modèles sont également importants là-dedans. Alors, ce qu'a permis Kepler, donc, c'est déjà le nombre de planètes, puisque du coup, bien entendu, on peut observer les planètes en transit, c'est l'évidence même, mais rappelons-le, que quand le plan de l'orbite de la planète est proche de la ligne de visée entre la Terre et l'étoile, ce qui limite, mais disons ce biais statistique, c'est très facile de le corriger parce qu'il n'y a aucune raison que les plans orbitaux soient plus ou moins alignés. Donc, du coup, c'est une simple proportion qui permet de dire qu'on observe un peu moins de 5% des transits. Après, il suffit donc de multiplier par 20 et on a le nombre de planètes. Et du coup, on trouve que pratiquement, il y a pratiquement autant de planètes que d'étoiles. Autrement dit, pour chaque étoile, il y a une très forte probabilité que les étoiles aient des systèmes planétaires. Ça, on le doit quand même à Kepler qui a découvert la majorité des... Il a confirmé ça. Roger Ferlet. Il a confirmé ça parce qu'il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode des lentilles gravitationnelles. Mmh. Et je me souviens d'un article avant ces statistiques de Kepler qui prédisait qu'il y avait pratiquement les statistiques d'observation, il y avait pratiquement toutes les étoiles ont pratiquement une planète, au moins une planète. Pierre Dossin. Et là-dessus, pour aller plus loin, il faut donc voir si la répartition des masses rayons, qu'on connaît donc pour la plupart des planètes Kepler, est représentative ou pas. Et c'est là que le bât blesse, puisque on a un biais qui a été rappelé au début, hein, qu'on voit les planètes proches est plutôt grosse. Et donc, ce biais, c'est difficile à corriger. La méthode qu'évoque Roger Ferlet est beaucoup plus fiable et moins biaisée et permet donc déjà aussi de corriger, mais on n'en a pas encore tellement de mesures par lentille gravitationnelle. Par contre, on peut petit à petit essayer de corriger les biais statistiques et ce qu'on voit, c'est que le pic, disons, statistique de présence des planètes semble pointer plutôt vers des planètes qui sont de plusieurs fois la masse de la Terre, mais un peu moins que la masse de Neptune, ce qu'on appelle les sub-Neptunes ou les super-Terres. Alors, est-ce que c'est la même chose? On n'en sait strictement rien. Ça peut être des géantes gazeuses qui ont perdu pas mal de leur atmosphère, ou des planètes telluriques très grosses qui ont aussi une atmosphère. Il y a peut-être les deux, d'ailleurs. Et il semble bien que la majorité des planètes soient de ce type-là. Or, on n'en connaît pas dans le système solaire, et c'est ça vraiment la grosse surprise, qui n'est pas seulement due à la mission Kepler, mais que Kepler a quand même pas mal contribué à prouver. Oui, tout à fait. Oui. Et pour le moment, dans l'état actuel de nos connaissances, on n'a pas de moyens. Alors, on parlera tout à l'heure des prochains télescopes spatiaux et du futur de l'observation des exoplanètes, mais dans l'état actuel des choses, il est impossible de discriminer ce qui serait une sub-Neptune ou une super-Terre, c'est-à-dire de savoir, même en termes de densité, puisque Neptune sont des planètes gazeuses de type glacé, des super-Terres seraient des planètes telluriques. On n'a pas de moyens, justement, grâce au recoupement des observations, de faire la discrimination entre les deux, Pierre Drossard. Plus que ça, parce que après il y a la température. Si on a un Neptune près de son étoile, ça va être un Neptune chaud, ou une planète tellurique plus loin, ça va être une planète tellurique froide. Enfin, il y a une combinaison de paramètres quand même assez énorme, et manifestement, la nature, comme toujours, est plus forte que notre imagination, et on doit bien se pencher maintenant sur un jeu de paramètres qui est assez énorme. Donc, alors il y a des méthodes, bien sûr, auxquelles on pense. Déjà, faut pas négliger l'observation au sol, hein, qui permet de faire beaucoup de choses. Quand on sait qu'il y a une planète, quand on sait exactement à quel moment elle va passer devant son étoile, eh bien, on peut programmer une observation sur un grand télescope au sol, et même si c'est plus difficile que dans l'espace au niveau de précision, on peut corriger pas mal de biais et observer des choses. En particulier pour tout ce qui est mesure de composition, aujourd'hui, c'est ce qu'on voudrait faire, évidemment, connaître la composition s'il y a une atmosphère et mesurer les éléments chimiques. Ça, c'est pas la méthode de transit, c'est pas Kepler qui peut le donner. Hubble et un autre satellite, Spitzer, ont permis de faire des choses là-dessus, encore modestes, mais ce sera plutôt pour les missions futures, mais aussi avec les observations au sol, au moins pour les objets les plus gros, ce qu'on appelle les Jupiter chauds, c'est les planètes de la taille de Jupiter ou même plus grosses et très près de leur étoile, qui sont à 1000 degrés, voire beaucoup plus. Celles-là, c'est relativement facile à observer. J'exagère un peu, c'est toujours difficile, mais quand même, on y arrive. Et on peut avoir de l'information sur la composition. Donc là, il y a des avancées, mais ce sont des objets très particuliers. On n'a pas la moyenne des planètes. C'est quand même intéressant de rappeler qu'on est capable de détecter l'atmosphère de planètes extrasolaires. C'est quand même pas mal. Et dans certains cas, très peu nombreux, hein, quelques cas, on a réussi à détecter sa composition. Et donc, on a même détecté de l'eau gazeuse, hein, pas liquide. Mais donc, par spectrographie, à partir du sol, mais surtout à partir de Hubble Space Telescope. Et si on va dans l'infrarouge, à ce moment-là, on peut même détecter des molécules. Et on a détecté donc l'eau, comme j'ai dit, le méthane, c'est en discussion, je crois, le gaz carbonique, l'oxyde de carbone, enfin plusieurs molécules, quoi. Donc on progresse petit à petit, lentement mais sûrement. De passage. Yina, la planète est un village. C'est si facile de parler le même langage. Pourquoi chercher des poux dans la tête des papous? Pourquoi chercher des noix aux frontières chinoises? Pourquoi croiser le fer tout autour de la terre? Souvent par trop d'orgueil, l'homme se trompe de partage. Tu sais, la planète est un village. Ici, mon frère, on est juste de passage. Yéna, la planète est un village. C'est si facile de parler le même langage. Tu sais, la planète est un village. Ici, mon frère, on est juste de passage. Non, la planète est un village. C'est si facile de parler le même langage. Pourquoi régler cette compte en sortant les fusils? Il n'y a pas de honte à changer d'avis. Peu importe la différence de couleur, de culture. Faire preuve de tolérance, c'est le combat le plus pur. Oh Lord, et ça, j'en suis sûr. Tu sais, la planète village. Ici, mon frère, on est juste de passage. Mais non, la planète est un village. C'est si facile de parler le même langage. La planète d'Alpha Blondie à 16h30 sur France Culture, puisque nous parlons pas tellement de notre planète, mais des planètes, et surtout des planètes qui nous sont très différentes, celles qui ont été détectées par le télescope spatial Kepler. Kepler qui a été interrompu dans la mission, s'est arrêté faute d'ergol de carburant à la fin du mois d'octobre, après quasiment 10 ans de mission d'exploration et d'observation spatiale. Nous en parlons avec Roger Ferlet, qui est directeur de recherche CNRS émérite en astrophysique à l'Institut d'astrophysique de Paris et Sorbonne Université, vice-président de la Société astronomique de France, et avec Pierre Drossard, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris, Sorbonne Université et l'Université Paris Diderot. Alors, on a beaucoup parlé, hein, dans cette première partie d'émission, de la méthode d'observation de Kepler, qui est la méthode dite des transits, qui observe la baisse de luminosité lorsqu'une planète passe devant son étoile et qui a donné de très bons résultats. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et vous avez rencontré un astrophysicien qui a travaillé sur les données de Kepler, qui travaille d'ailleurs sur les données de ses successeurs et sur d'autres modes de détection. Oui, Guillaume Hébrard travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris et il a beaucoup utilisé la méthode des vitesses radiales à partir d'observations au sol. Il s'agit d'une méthode spectroscopique utilisée pour mesurer les vitesses relatives des corps en mouvement. On mesure l'effet Doppler physo dans le spectre de l'étoile autour de laquelle tourne l'exoplanète associée. Cette méthode permet d'avoir beaucoup d'informations sur la physico-chimie de la planète, notamment sur son atmosphère, Guillaume Hébrard m'a montré le cas d'une exoplanète dont on a pu étudier la composition chimique avec les proportions en détail. Alors moi j'ai participé et je continue à participer au suivi depuis le sol des objets, des candidats qui sont détectés par Kepler. Et donc moi je le fais avec mes collègues par une méthode qui s'appelle la méthode des vitesses radiales. Donc on ne détecte pas directement la planète, on la détecte indirectement par l'interaction gravitationnelle qu'elle produit sur son étoile hôte. Et ça, ça permet de mesurer plein de choses, et notamment la masse de la planète. Alors que Kepler, lui, c'est également une méthode indirecte, lui c'est quand la planète passe devant l'étoile, et là ça permet de détecter et de mesurer plein de choses également. Là vous parlez de la méthode des transits qui consiste à mesurer le flux lumineux qui nous parvient suite à une éclipse ou une occultation de cette planète par son étoile. Quels sont pour vous les avantages de cette méthode de transit ? Pour les planètes extrasolaires, les transits, ils sont assez rares. Il y a plein de systèmes exoplanétaires qui ne sont pas vus en transit. Et donc par cette méthode, ils sont totalement inabordables, on ne peut pas les étudier. Mais il y en a quand même un certain nombre qui sont en transit, et donc ceux qui sont en transit, là, c'est extrêmement puissant. Parce que, donc, d'une part, on peut mesurer la taille de la planète, on mesure la période orbitale de manière extrêmement précise, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on voit la lumière de l'étoile qui diminue un petit peu, eh ben, on peut calculer, en faisant du chronométrage très précis, on peut mesurer la période, on peut mesurer la taille. Si, en plus, on a mesuré la masse avec une autre méthode, on peut remonter la densité. Dans le cas des transits, on peut également mesurer plein de choses. Quand la planète passe devant son étoile, on peut faire de la spectroscopie au moment où la lumière de l'étoile est absorbée, traverse l'atmosphère de la planète, juste au moment du transit. Et avec ça, on peut étudier la composition chimique de l'atmosphère de la planète, les propriétés physiques dans cette atmosphère, la température, la pression, ce genre de choses. Et avec cette méthode-là, on peut même mesurer la masse ou estimer la masse des planètes, parce que l'avance du transit, le recul ou l'avance du chronométrage va dépendre là de la masse de la planète. Alors que généralement, les transits permettent uniquement de mesurer le rayon. Là, quand on a des variations de chronométrage, donc on a un système multiplanétaire avec au moins deux planètes, on peut même évaluer la masse. Mais ce genre de mesure assez fine, finalement, ce ne sera pas tellement possible avec TESS, parce que lui, il ne va pas pointer dans le même endroit, ou alors exactement. Il va alterner tous les 27 jours, il me semble. Exactement, oui. Et donc, est-ce que on va échapper à certaines découvertes ? En effet, pour les variations de chronométrage et pour les très longues périodes, TESS en détectera beaucoup moins parce qu'en effet, il observe sur des périodes plus courtes un champ donné du ciel. Il y a quand même certaines régions du ciel pour lesquelles il va observer pendant de plus longues durées. Parce qu'en fait, les champs se recoupent et donc il y a certaines régions où il va observer pendant de plus longues durées. Donc il pourra détecter des planètes à longue période et pourra également détecter dans certains cas des variations de chronométrage, je pense. Est-ce qu'on pourrait regarder à quoi ressemble un spectre d'éclipse ou d'occultation d'exoplanètes ? Alors, je vous montre un résultat un petit peu vieux, parce qu'il a plus d'une dizaine d'années, mais il est intéressant parce que c'était l'une des premières détections d'atmosphère d'une exoplanète. Alors, je ne me souviens plus de la distance exactement, mais quelques dizaines d'années-lumière, elle est assez proche. C'est une des étoiles les plus brillantes connues actuellement qui possède une planète en transit. Alors là, ce que l'on voit, donc ça, c'est un spectre qui a été obtenu au milieu des années 2000. Et donc, on avait observé la première planète détectée en transit, un Jupiter chaud, qui s'appelle toujours HD209-458b. Donc c'est un Jupiter chaud, une planète grosse et massive comme Jupiter, mais qui tourne en quelques jours autour de son étoile hôte. Donc tous les quelques jours, on a un transit de cette planète. Et donc quand on a eu ça, ici dans notre équipe à l'Institut d'Astrophysique de Paris, notamment avec mes collègues Alfred Vidal-Majar et Alain Le Cavalier des Étangs, nous, on est spécialistes de spectroscopie. On étudiait beaucoup la spectroscopie dans le milieu interstellaire. C'est-à-dire, on a une étoile et on étudie le milieu interstellaire, les nuages de gaz, de poussière aussi, mais de gaz en l'occurrence. On utilise la lumière de l'étoile, elle traverse ce gaz, et en étudiant cette lumière, quand elle traverse le gaz, ça permet d'étudier le gaz lui-même. Et là, c'est un petit peu la même configuration. On va dire, au moment où la planète passe devant son étoile, la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète, et donc on peut étudier l'atmosphère de cette planète. Et donc là, à cette époque-là, on avait observé avec le télescope spatial Hubble, dans l'ultraviolet, l'arrêt Lyman-alpha qui est caractéristique de l'hydrogène. Donc pour étudier l'hydrogène, pour essayer de détecter l'hydrogène dans cette planète extrasolaire. Donc Lyman-alpha, c'est une transition qui est caractéristique de l'hydrogène et qui est dans le domaine ultraviolet. Et donc on a observé l'hydrogène pendant quelques transits. Et donc là, ce que l'on voit sur ce graphique, c'est un peu complexe, mais on voit une émission ici. Alors c'est le flux en fonction de la longueur d'onde, donc un spectre. Et donc on voit une émission ici à l'arrêt de Lyman-alpha. Ça, c'est l'émission due à l'étoile. Cette étoile émet à Lyman-alpha. On voit que sa longueur d'onde, 1215 angstrom. Donc on voit une grande émission de l'étoile. Au milieu, on voit un trou, une absorption. Ça, c'est l'absorption du milieu interstellaire. Je vous ai dit, on était spécialiste, on l'est toujours, du milieu interstellaire. Et donc là, on voit l'absorption du milieu interstellaire. Il y a l'hydrogène dans le milieu interstellaire. Jusque-là, pas de scoop. Tout ça, on le savait déjà, c'était très étudié. Par contre, ce que l'on voit, on voit une courbe verte et une courbe rouge qui sont superposées. La courbe verte, c'est l'observation de l'étoile avant le transit de la planète. Et la courbe rouge, c'est l'observation de l'étoile pendant le transit de la planète. Je pense que vous le voyez bien. Il y a un écart. Exactement. On voit que c'est plus bas en rouge, c'est plus bas pendant le transit. Donc ça veut dire qu'il y a eu de l'absorption pendant le transit. S'il y a de l'absorption pendant le transit, bah, le plus logique pour interpréter ça, c'est que c'est l'atmosphère de la planète qui a absorbé de la lumière. Et elle a absorbé, alors on ne voit pas à côté, hein, dans les ailes, il n'y a pas d'absorption, c'est au cœur de l'arrêt. Donc ça veut dire que c'est l'hydrogène qui a été absorbé lorsque la planète est passée devant. Donc ça veut dire qu'il y a de l'hydrogène dans cette planète extrasolaire. Observer l'hydrogène dans une planète extrasolaire, là c'est une première, ça n'avait jamais été fait avant. Alors actuellement, vous êtes passé sur l'exploitation des données de TESS ou vous restez sur les observations au sol ? Alors en fait, TESS a commencé par l'hémisphère sud, donc je suis impliqué dans certains programmes sur l'hémisphère sud, mais je suis plus impliqué sur des programmes avec des observatoires dans l'hémisphère nord, notamment l'observatoire de Provence qui pourra observer les premiers candidats TESS quand ils arriveront dans le nord, mais ceci dit, d'ici quelques semaines, il devrait y en avoir quelques-uns qui sont juste à la limite. Donc on va voir, on attend avec impatience ces premiers candidats TESS dans le ciel du Nord. Voilà le reportage du jour sur, entre autres, les analyses des résultats et des observations de Kepler, mais de TESS, dont on va parler également dans quelques minutes. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Pierre Drossard ? Eh bien, oui, ça a été très bien dit dans ce reportage. C'est la spectroscopie dont on attend beaucoup dans les prochaines années pour mieux comprendre la structure et la caractérisation des exoplanètes. Il y aura différentes techniques, hein, celle qui est évoquée, et également des techniques qui seront mises en œuvre dans le James Webb Space Telescope, le prochain grand télescope spatial. Successeur de Hubble, qui a été repoussé encore un peu récemment. Bon, il faudra être patient encore quelques années, mais ça commence à se rapprocher, et la mission de l'ESA qui s'appelle Ariel, qui va être justement dédiée à la spectroscopie des exoplanètes. Donc, on n'est qu'au début de ces caractérisations spectrales d'exoplanètes, et on connaîtra d'ici une dizaine d'années beaucoup mieux leur composition. Roger Verlet. Sur la spectroscopie, évidemment, c'était très difficile, et donc il fallait aller dans l'espace, puisque les raies les plus importantes de l'hydrogène en particulier. On l'avait choisi l'hydrogène parce que c'est le plus abondant. Il fallait aller dans l'espace pour avoir la raie Lyman alpha. Et une fois qu'on a détecté cette... C'était pas la première détection d'une atmosphère d'une planète extrasolaire, parce que avant, du sol, avait été détecté le sodium. Extrêmement difficile à faire, mais ça, il y avait eu une détection. Mais une fois qu'on a détecté l'hydrogène, on se dit on va essayer de détecter autre chose. Et donc on est retourné avec le Hubble Space Telescope et on a détecté après le carbone, l'oxygène atomique, les deux. Et donc comme ça on progresse. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, si on va dans les longueurs d'onde infrarouges, à ce moment-là, on a les transitions dues à des molécules. Et donc, c'est avec un autre télescope qui s'appelait Spitzer, la mission Spitzer de la NASA, qui, elle, faisait de la spectroscopie dans l'infrarouge. Et c'est là qu'on a pu détecter certaines molécules, comme le gaz carbonique, l'oxyde de carbone, et l'eau gazeuse aussi. Alors, j'aimerais qu'on reste encore quelques instants sur Kepler, avant de prendre le relais. On a posté, là, sur le fil Twitter de l'émission de la méthode FC, un petit graphique qui est assez parlant et assez intéressant, graphique sur lequel on voit le nombre d'exoplanètes découvertes en fonction de leur taille et de leur période orbitale, et celles qui ont été faites en jaune par Kepler et celles qui ont été faites, je vous les montre, voilà, avant et après. On voit distinctement que avant on détectait des très très grosses et des planètes géantes, c'est-à-dire 10 fois taille, le rayon terrestre, plutôt des grosses Jupiter, et que Kepler au contraire a vraiment exploré des planètes qui sont entre la Terre et Neptune, voire plus petites que la Terre. Et c'est intéressant parce que ces planètes, c'est forcément des planètes collées à leur Soleil avec des rotations, des périodes orbitales très très rapides. On voit la plupart entre 1 et 100 jours. Donc qui sont des planètes brûlées en fait, des planètes qui sont perdues pour l'existence de la vie. Si on extrapole un peu, Pierre Drossard. Alors effectivement, donc c'est ce qu'on disait également tout à l'heure, le biais statistique est qu'on observe que les périodes courtes par construction, parce qu'on n'a pas énormément de temps dans ces missions spatiales, donc il y a des biais, mais on connaît les biais, donc on peut essayer de les corriger. Ce qui fait que ce diagramme n'est pas la représentation statistique de la moyenne des exoplanètes, mais donne déjà quand même une idée du nombre et des tendances hein, de la répartition en histogramme des masses des différentes planètes. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que les masses aujourd'hui piquent non pas vers des très grosses planètes, non pas non plus vers les plus petites, mais là c'est contestable parce que justement on les détecte pas bien, mais en tout cas il y en a plus vers les tailles intermédiaires entre Neptune et la Terre, et ces planètes-là on ne les connaît quasiment pas aujourd'hui. Et en plus elles n'existent pas dans le système solaire. Ce qui est la grande question. Et est-ce que vous avez en tête, parce qu'on a beaucoup parlé, alors Kepler a donné son nom à un certain nombre de planètes, et il y a quelques planètes notables, et c'est vrai que quand on découvre ces planètes notables, elles font souvent les gros titres de la presse généraliste, parce qu'on dit, ça y est, on a découvert une sœur jumelle de la Terre, on a découvert une planète dans la zone habitable. Il faut dire que Kepler, Roger Ferlet, a découvert un certain nombre de planètes, parmi les premières, ce qu'on appelle dans la zone habitable d'une étoile, c'est-à-dire pas collée justement à leur étoile, pas non plus trop loin pour qu'elle soit trop froide, mais dans la zone où l'oxygène ou l'eau peut exister à l'état liquide. Voilà, la zone habitable, c'est pas une zone où il peut y avoir la vie, c'est juste une zone. S'il y a une planète dans cette zone-là autour d'une étoile, s'il y a une planète, et si sur cette planète il y a de l'eau, alors l'eau pourrait être liquide. Pas trop loin, pas trop près. Effectivement, Kepler a détecté près des deux tiers des planètes détectées par Kepler sont justement entre les Neptune et la Terre, dans cette zone-là qui n'existe pas dans le système solaire. Mais à l'intérieur de celle-là, il y en a un nombre important qui se trouve, qui sont petites, vraiment petites, de la taille de la Terre, hein, peut-être 10%, mais je ne connais pas la proportion exacte, qui sont probablement rocheuses. C'est pas définitif pour toutes. Donc rocheuses de la taille plus ou moins de la Terre dans la zone habitable, évidemment, ça intéresse les exobiologistes qui vous disent on ne peut pas envisager la vie telle qu'on la connaît sur Terre autrement qu'avec de l'eau liquide. Donc c'est un endroit intéressant. Kepler a même détecté des très petites planètes. Je crois que le record, il a détecté une planète qui n'est pas beaucoup plus grosse que la Lune. Mais dans cette zone-là, toujours? Non. Ah, je ne sais pas dans quelle zone elle se trouve, celle-là. Perdre ça. Tout. Alors, effectivement, la notion de zone habitable doit être vraiment prise à la lettre. C'est une zone donc, où il peut y avoir éventuellement de l'eau liquide. Ça ne veut pas dire que la vie a pu s'y développer, parce qu'on, d'abord, on ne connaît pas encore très bien toutes les conditions nécessaires à l'apparition de la vie, mais surtout, on en connaît au moins une, c'est qu'il faut quand même du temps pour que la vie se développe et subsiste. Si elle ne fait que passer et tout de suite brûler par la perte de l'atmosphère, on n'a aucune chance de la détecter un jour. Et là, on connaît par l'étude du système solaire, qui permet d'avoir quand même un point d'ancrage et d'extrapoler ensuite aux exoplanètes très différentes qu'on mesure. Et ça peut montrer que la zone habitable est quelque chose qui peut varier au cours de l'âge d'une étoile, au cours des milliards d'années d'évolution d'une étoile. Par exemple, dans le système solaire, Mars et Vénus ont pu être habitables à un moment donné de leur histoire. Elles ne le sont plus aujourd'hui. La Terre est habitable aujourd'hui, dans 2 ou 3 milliards d'années, elle risque de ne plus l'être, indépendamment des effets du réchauffement climatique et autres, mais même simplement parce que le Soleil se réchauffe et pourrait un jour faire tout simplement brûler et bouillir nos océans simplement par un effet de réchauffement. Donc la question de savoir combien de temps une planète peut rester habitable est une question tout à fait intéressante qu'on commence à aborder, mais qui est essentiel si on veut pouvoir détecter un jour des molécules ou même de la vie sur ces planètes. Alors on l'a dit, hein, Kepler avait eu à faire un premier raté en mai 2013 suite à une panne. Il a pu être remis en route en mode dit dégradé et donc poursuivre hein, cette mission qui était initialement une mission de 3 ans et demi et qui aura duré au final plus de 10 ans et continuer à faire ses observations malgré ce mode dégradé. Aujourd'hui c'est fini une bonne fois pour toutes, il n'y a plus d'ergol, il n'y a plus de carburant, donc on ne peut plus. Pourquoi on ne peut plus l'utiliser d'ailleurs, Pierre Drossin? Ah ben, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de station-service pour remplir les carburants à bord. Donc, comme on a toujours besoin des petits moteurs d'attitude pour pointer le télescope et surtout maintenir son pointage, dès que les ergols sont épuisés, on ne peut plus stabiliser et du coup, les panneaux solaires sont plus orientés comme il faut. Donc, la mission est perdue. C'est normal, hein, c'est la fin classique. Beaucoup de missions se sont terminées. C'est déjà beau d'arriver jusque-là et la mission Kepler a vraiment été un très grand succès. succès avec ce que vous mentionnez, le fait qu'il y ait une deuxième phase de mission en mode dégradé. On n'était pas sûr au début que la mission pourrait se prolonger, mais les ingénieurs de la NASA ont réellement fait des prouesses hein, pour arriver à maintenir en vie Kepler jusqu'au bout. Mais une fois que c'est fini, eh bien, la mission s'arrête. Mais Kepler est mort, longue vie. Alors longue vie à quoi? Longue vie à Tess, Roger Fairlet, Tess, qui a été mis en orbite le 19 avril dernier pour transit exoplanète surveille satellite. Qu'est-ce que c'est que cette mission? Avant, pour terminer sur Kepler quand même, bien sûr. Je voulais dire que pour la première fois, toutes les données de Kepler étaient dans le domaine public. C'est vrai, il faut le préciser. Et donc, n'importe quel citoyen suffisamment motivé et qui a du temps, il pouvait aller regarder, explorer les données Kepler, on lui donnait ce qu'il fallait faire, etc. Donc, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui, dans le monde, ont été chercher des données de Kepler et ont détecté des planètes. Il y a eu des dizaines d'articles publiés avec l'aide d'astronomes amateurs passionnés. Et donc, ça, c'est intéressant, parce que c'est ce qu'on appelle maintenant la science citoyenne. Et ça, ça prend une ampleur énorme. Et c'est presque l'astronomie qui a commencé dans ce domaine-là. Alors, pour revenir à Tess, une des grosses différences avec Kepler, c'est que Tess, il va observer une grande partie du ciel, et non pas 0,3%, 0,28%. Donc c'est déjà une grosse différence. En plus, il va le faire avec une précision encore meilleure, je crois. Donc, Tess va regarder les étoiles plus brillantes. Donc contrairement à Kepler qui regardait les magnitudes 12, enfin des étoiles relativement faibles, Tess, lui, va faire un survey relativement exhaustif des étoiles proches et assez brillantes. Et donc c'est pas le même échantillon. Et l'intérêt, c'est que ces étoiles brillantes, elles ont plus de possibilités pour être suivies ensuite dans des observations au sol. Donc il y a d'autres objectifs et des instruments différents, mais aussi plus modernes, que simplement à cause des dates de mission, qui vont très certainement aider et préparer, là aussi, les missions futures. Et là encore, l'aide des astronomes amateurs en particulier sera très importante. Et depuis aujourd'hui, enfin en tout cas je l'ai appris aujourd'hui, c'est que toutes les observations faites par les amateurs ou les citoyens motivés d'exoplanètes, de suivi d'étoiles observées par Tess, vont être archivées par un organisme aux États-Unis et donc pourront servir dans le futur aux professionnels. Donc voilà, donc si vous êtes astronome amateur, si vous voulez partir vous aussi, être un chasseur d'exoplanètes, vous pouvez avoir accès à ces données de Tess et passer du temps dessus et contribuer à la découverte de nouveaux mondes. On va essayer de vous mettre sur le fil Twitter de l'émission les liens pour pouvoir participer à cette grande chasse internationale de l'exoplanète. Peut-être, on lit dans les ambitions, dans les programmes de Tess, l'objectif de cibler ce qu'on appelle les planètes cibles pour la vie, c'est-à-dire de se concentrer sur des planètes qui seraient des planètes potentiellement dans la zone habitable, qui présenterait des caractéristiques qui pourraient préférentiellement habiter la vie. Vous voyez le nombre de conditionnels et de guillemets que je mets autour de cette proposition, Pierre Drossard. C'est une question, effectivement, une question clé. La question, elle n'est pas nouvelle. C'est la pluralité des mondes. Sommes-nous seuls dans l'univers? Ce sont des questions tout à fait essentielles, bien sûr. Pouvons-nous y répondre? C'est quand même ça, aujourd'hui, pour le scientifique, la question qu'on doit se poser. C'est difficile. Aujourd'hui, on progresse. Il y a 30 ans, on ne connaissait pas encore d'exoplanètes. Aujourd'hui, on en connaît plus d'environ 3000. On n'en connaît pas encore grand-chose, mais ça va venir. Il faut simplement pas vouloir aller trop vite non plus. C'est-à-dire qu'avant de dire, on va chercher la jumelle de la Terre autour d'une étoile qui sera la jumelle du Soleil, c'est peut-être pas la bonne approche. Parce que la nature est souvent plus riche que notre imagination, comme je le disais tout à l'heure, et peut-être qu'une étoile relativement froide, mais particulièrement stable, peut également permettre à la vie de se développer. Donc si on évite d'avoir trop d'a priori, pour ça, il faut qu'on commence par explorer tous les mondes, même ceux qui paraissent peut-être moins intéressants au début. Et c'est seulement quand on les connaîtra bien, quand on connaîtra la moyenne, en gros, de ce qu'est une exoplanète, qu'on pourra se dire, celle-là, justement, elle a une anomalie. Et celle-là, on va l'étudier de plus près. Et si ça se trouve, ça ne sera pas la jumelle de la Terre. Et c'est peut-être celle-là qui, un jour, permettra d'avancer sur la question de l'exobiologie. Mais en tout cas, il faut garder l'esprit ouvert. Et là-dessus, il y a différentes missions en cours, donc aux États-Unis avec le James Webb Space Telescope, qui permettra très certainement d'étudier des exoplanètes de différents types. 2021, normalement, le lancement. Pour le lancement, même d'après les dernières dates. Et derrière, une mission européenne, la mission Ariel, qui fera aussi la spectroscopie d'exoplanètes. Alors, c'est un petit télescope aussi de l'ordre d'un mètre. Ça ne fera pas les équivalents de la Terre autour des étoiles, mais ça fera une statistique assez complète sur des échantillons que Thèse va contribuer à alimenter, d'ailleurs, qui permettra déjà d'avoir une meilleure connaissance de la statistique et de la moyenne des exoplanètes. Et ça, c'est le point de départ avant des missions futures pour imager les exoplanètes et voir d'autres conditions. Donc une fois de plus, des missions croisées, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Roger Ferlet, Ariel, le James Webb Télescope, TESS, et puis il y a d'autres missions, Kéops, Plateau, qu'on peut Kéops évoquer. Kéops qui va être lancé l'année prochaine, au début de l'année prochaine, mission de l'Agence spatiale européenne par les Suisses, qui lui fera des transits aussi, c'est-à-dire de la photométrie, mais très haute précision, sur des étoiles dont on sait qu'il y a des planètes. Sur des étoiles brillantes dont on sait qu'il y a des planètes, et donc pour le faire encore plus précisément, avoir plus d'informations et les observer après autrement. Et puis il y aura la grande mission de l'Agence spatiale européenne, là, à l'horizon 2024 ou plus, un plateau. Alors là, ça sera des millions de courbes de lumière à étudier. Pour Planetary Transits and Oscillation of Stars, c'est-à-dire voilà, les transits planétaires et l'oscillation des étoiles. Ça fera aussi de la physique stellaire. Mmh. Et puis, il ne faut pas oublier le Extremely Large Telescope. L'ELT. L'ELT. Au sol, cette fois-ci. Au sol, de 39 mètres de diamètre. Qui, lui, quand on a des engins comme ça, on est à peu près sûr de faire des grandes découvertes. En tout cas, je voulais dire sur la vie, là, pour terminer, c'est que... Pendant des siècles, cette histoire de sommes-nous seuls dans l'univers, ça a été des spéculations sur spéculations, etc. Pour la première fois au XXIe siècle, c'est une question qui est devenue scientifique, c'est-à-dire qu'on peut attaquer par la méthode scientifique, justement, le titre de l'émission. Et donc, c'est la première fois que cette question-là est devenue attaquable par la méthode scientifique. Donc, c'est important quand même. On vit une époque extraordinaire de ce point de vue-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous pensez l'un et l'autre qu'aujourd'hui, en recoupant des informations, on ne parle pas d'observation, on ne parle pas de contact, mais grâce à la spectroscopie, grâce à ces informations de ces différents satellites et de ces différents télescopes, il est envisageable à moyen terme, dans les 10-15 ans à venir, de détecter une trace d'oxygène, de dioxyde de carbone, je ne sais pas, qui va nous permettre d'inférer qu'il est possible que... Oui, l'oxygène, voyez, là aussi, oui. Je mets beaucoup. Non, l'oxygène et le dioxyde de carbone, le méthane, ça oui, on le détectera, on le détecte déjà d'ailleurs. Mais est-ce que c'est vraiment une signature d'une anomalie chimique qui est due à la vie? Ça, c'est beaucoup plus difficile à dire. Il faut quand même, et je rappelle souvent qu'on en est un peu pour la caractérisation des exoplanètes à la situation de l'observation de Mars dans les années 50, où les astronomes étaient très excités par des signatures spectrales de Mars. Il y a des articles, y compris dans des revues très prestigieuses, comme pour la détection de la chlorophylle sur Mars, par exemple, grâce à la spectroscopie infrarouge, qui se sont révélées fausses. Et il faut éviter de répéter les mêmes erreurs avec les exoplanètes, et donc faire très attention. Mais je pense que 10-15 ans, c'est probablement trop court, mais d'ici quelques décennies, on a de bonnes chances, effectivement, d'avancer sur ces questions. Eh bien, écoutez, on va terminer sur cette note d'optimisme scientifique. Merci beaucoup, messieurs. Merci Roger Ferlet, merci Pierre Drossard d'être venu nous parler de cette mission Kepler et de la quête de la chasse aux exoplanètes, et donc peut-être à moyen terme, qui sait, pour les générations futures, des traces de vie quelque part ailleurs dans l'espace et cette réponse à cette question aussi vieille que l'humanité. Merci en tout cas également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Ville, Francine Lezen, Tom Imdenstock, Massimo Bellini à la réalisation et Clément Daté aujourd'hui à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, le gratin des stars montantes de la science en France, nous allons recevoir trois scientifiques d'exception, trois scientifiques en tout cas qui ont attiré l'intérêt des revues internationales ou de grands prix que le monde nous envie. Ils seront dans ce studio. Rendez-vous demain donc à 16h, jusqu'à preuve du contraire.